السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Nous entrons ce soir dans le chapitre numéro 4 ou le numéro 5. L'invitation à la shahada, l'invitation au témoignage qu'il n'y a point de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah. أي باب وجوب الدعوة إلى التوحيد، والوجوب المراد به الكفائي، c'est-à-dire le chapitre de l'obligation d'appeler les gens à l'unicité d'Allah سبحانه وتعالى. معنى الدعاء الدعوة. الشهادة الاعتقاد والنطق وإخبار الغير بهذا. الشهادة un témoignage, c'est le fait de croire en une chose, d'avoir la conviction d'une chose que tu vas prononcer avec ta langue puis en informer autrui. Ça c'est un témoignage. مناسبة الباب لكتاب التوحيد. في هذا الكتاب المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما هو التوحيد، فضله وضده، وكذا أوصاف أهل التوحيد، ومن صفاتهم أنهم يدعون الناس. Donc l'auteur a mis ce chapitre dans son livre, le livre de l'unicité, car dans ce livre, l'auteur nous a défini At-Tawhid, nous a enseigné ce qu'était At-Tawhid, nous a cité certains de ses mérites, et parmi ses mérites, qu'il expie les péchés. Il nous a cité également le contraire du tawhid, afin qu'on s'en éloigne, c'est-à-dire le polythéisme, ash-shirku billah. Et parmi les choses que l'auteur a citées dans son livre, les caractéristiques des monothéistes. Et parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils appellent les gens à la ilaha illallah, à l'unicité d'Allah, à adorer Allah tabaraka wa ta'ala d'un culte sincère. Amma munasabatul bab lima qabla. Lamma dhakara ash-shaykh fi al-abwab as-sabiqa ma huwa at-tawhid wa fadlahu wa sifati man haqqaqa thumma al-khawfa min diddihi aw min al-wuqu'i fi diddihi wa khuturatihi dhakara huna ma yanbaghi أن يفعل من اجتمع فيه هذه المعلومات اجتمعت فيه هذه المعلومات فلا يقتصر على نفسه بل يدعو الناس إلى هذه النعمة العظيمة وهذا هو سبيل المرسلين وهذا هو سبيل المرسلين. عرفت أن أحسن الطريق هو التوحيد، فإن كنت صادقا في هذا فستدل الخلق إلى هذه النعمة وهذا من تمام التوحيد. من تمام التوحيد أنك تدعو الناس إلى التوحيد. هنا وهذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة العصر أن من سلم من الخسارة هو الذي أصلح نفسه ثم سعى إلى إصلاح غيره. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بهاتين صفتين أصلح نفسه بالعلم والعمل به. ثم قال الله: إلا الذين طيب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبهذين أصلح غيره بإذن الله تبارك وتعالى. Quelle est la relation et le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres passés? Après que l'auteur ait cité ce qu'était l'unicité d'Allah, ses mérites, ainsi que les caractéristiques de ceux qui ont concrétisé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, la gravité du polythéisme, ici l'auteur nous enseigne que celui qui a réuni cette science, celui à qui Allah Azza wa Jal a facilité cette science, il ne doit pas s'arrêter là. Mais il doit inviter les autres à ce grand bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé. Et cela est le chemin des prophètes et des messagers. Allah tabaraka wa ta'ala nous montre que ceux qui seront sauvés de la grande perdition sont ceux qui se sont réformés eux-mêmes par la science utile et les actions pieuses. Puis on fait des efforts afin de réformer les autres avec la prédication, le prêche, puis l'endurance. Donc celui qui connaît ce qui est passé doit inviter les gens à cette science, doit inviter les gens à cette mise en pratique, c'est-à-dire unifier Allah tabaraka wa ta'ala d'un culte sincère. وَمَا سَيَأْتِ مِنَ الْأَبْوَابِ بَيَانٌ لِأَفْرَادِ التَّوْحِيدِ وَتَفْسِيرٌ لِلشِّرْكِ وَبَيَانٌ لِأَفْرَادِهِ. Et tout ce qui suivra comme chapitre dans le livre ne sera que l'explication et la définition des parties du tawhid et des parties du shirk. Ad-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala min a'zami al-qurubat. Le fait d'appeler les gens à revenir vers Allah, sans aucun doute, fait partie des meilleures œuvres, des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. Il nous dit dans son livre: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah nous dit: qui prononce de meilleures paroles que celui qui appelle à Allah, qui fait de bonnes œuvres et dit: je suis du nombre des soumis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleure parole que la sienne. Il n'y a pas meilleure parole que la sienne. يَقُولُ العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: أعظم الطاعات نصيحة الخلق. ابن تيمية nous dit: la meilleure chose par laquelle tu te rapproches d'Allah est de conseiller les gens. Et de conseiller les gens. وأحسن ما يدعى إليه الناس توحيد الله. Et la meilleure chose à laquelle tu peux appeler les gens est l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui entre dans ce domaine doit y entrer avec ses provisions. Il doit savoir de quoi il parle. Comment s'adresser aux gens? Par quoi commencer? De quelle façon? Il doit donc commencer par être tawhid. Il doit savoir enseigner être tawhid. Il doit savoir faire aimer aux gens être tawhid. car le tawhid est la base de toute chose. Et celui qui n'a pas de tawhid n'aura aucun bien. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكون بعلم. Le fait d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala doit être fait avec science. Et dans, de nos jours, on a encore plus besoin de cela. وفي هذه الأيام نحن بحاجة عظيمة إلى دعاة المصلحين إلى أهل التوحيد الداعين إليه لأن دعاة الباطل قد انتشروا وأفسدوا وتكاتبوا على نشر الباطل وعلى إلقاء الشبهات في مجتمع المسلمين وقل الدعاة الناصحين المصلحين. De nos jours, on a encore plus besoin de prédicateurs à la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cela, car ceux qui appellent au faux, ceux qui trompent les gens, les populations, les musulmans, sont de plus en plus nombreux. Et les moyens qu'ils utilisent, de plus en plus multiples, que ce soit dans les médias, à travers les journaux, à travers les livres, la télévision. Et tu trouves même ces gens-là dans les mosquées, même sur les manabir. Subhanallah. Donc sans aucun doute, la communauté a besoin de personnes qui apprennent ou qui apprennent leur religion, qui apprennent le tawhid et invitent les musulmans à cela, invitent les gens de manière générale à cela, qui apprennent le shirk et qui mettent les gens en garde contre cela et les musulmans gardent contre cela. Certaines personnes appellent au shirk, d'autres appellent à l'innovation, d'autres appellent aux passions. Et si le musulman ne voit pas l'importance de cela, c'est-à-dire d'apprendre sa religion pour contrer le mal, qui est-ce qui prendra conscience de cela? Celui qui veut prêcher au tawhid doit premièrement prendre de la science. Il doit étudier le tawhid à la wajh al-tafsil. Il doit connaître le tawhid en détail, l'appliquer sur lui-même, vivre dans le tawhid. Ensuite, il doit, ou avec cela, il doit connaître le shirk, le polythéisme, et le connaître en détail, et connaître les ambiguïtés des polythéistes, et savoir réfuter leurs ambiguïtés. Ça ne suffit pas, comme on l'a cité, de connaître le bien. Il te faut savoir aussi le mal afin de pouvoir t'en prémunir et le repousser. Donc tu commences par toi-même, à te corriger toi-même, à te faire da'wah toi-même, avant les autres. La budda an tasta'mil ar-rifq wal-hilm fi da'watik. Tu dois absolument utiliser la douceur dans ta da'wah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرفق ما كان في شيء لا زانه وما نزع عن شيء لا شانه. La douceur n'est pas mise dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. On ne la retire pas d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Ensuite, devant les nuisances que tu rencontreras, tu devras faire preuve d'endurance. Et celui qui ne veut pas endurer, celui qui n'a pas mis, celui qui ne s'est pas mis ou qui n'a pas disposé son cœur à subir ces nuisances, sa personne à subir ces nuisances, il n'endurera pas dans ce chemin. Car c'est le chemin des prophètes et des messagers. Et ces derniers ont subi de nombreuses injustices, de nombreuses nuisances. et tu n'es pas mieux qu'eux. Et tu n'es pas mieux qu'eux. Et ceux à qui tu parles ne comprennent pas mieux le Coran que ceux à qui parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu suis sa voix réellement, attends-toi à avoir de nombreuses nuisances. Attends-toi à avoir de nombreuses nuisances. Donc celui qui n'endure pas, il délaissera ce chemin. Comme on l'a vu, tu ne peux pas avoir l'agrément de tout le monde. Tu ne peux pas avoir une place dans le cœur de tout le monde. Mais ton but doit être d'avoir une place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah est satisfait de toi, tu auras réussi fi dunya wal akhirah. Et cette douceur a été utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a appelé Qabila Taddaus, rafadu da'wata. Lorsqu'il a appelé la tribu de Daws, ils ont refusé sa da'wa. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait du'a pour eux. Il a fait du'a pour eux en disant Allahumma hdi Dawsan wahdi bihim. Comme cela a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ô Allah, guide la tribu de Daws et fais d'eux des guides. Donc la personne doit vouloir le bien pour les gens, même si eux ne le veulent pas pour eux-mêmes. Et celui qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hatta fil maqam alladhi al-hikmatu fihi ashidda la yakhlu min ar-rifq. Et même dans les situations où la sagesse sera d'utiliser la dureté, que ce soit la critique, que ce soit le hajr, fait de délaisser les gens, ou autre, cela devra également être fait avec comme base la rahma envers le mukhalif. Cela devra avoir comme base la pitié que tu as envers cette personne qui s'est égarée, que ce soit dans des péchés, que ce soit dans des grands péchés, que ce soit dans des innovations ou dans maza des shirkiyat. Tu l'appelles à revenir vers Allah Azza wa Jal car tu veux pour lui le bien. Et tu dois regarder la personne qui est égarée de deux points de vue. Tanzuru bil mukhalif binazaray. Al-awwal al-shar'i. Akhta'a taqul huwa mukhti. أذنب تقول هو مذنب فسق تقول هو فاسق بدعه أهل العلم تقول هو مبتدع وهكذا هذا النظر الشرعي والنظر الثاني تنظر بعين القدر وترحمه لماذا؟ لأن الشيطان تسلط عليه وأنت تريد له الخير وهذا لا يمنع من هذا وهذا لا يمنع من هذا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. Donc tu le regardes avec l'œil d'abord de la religion. Celui qui a fait une faute, tu dis qu'il est dans la faute. Celui qui s'est égaré, tu dis qu'il est égaré. Celui que les savants ont rendu innovateur, tu dis que c'est un innovateur. Suis les textes. Puis tu le regardes avec un deuxième point de vue, c'est le point de vue du destin. Le fait que cela a été décrété. Et tu te rappelles que Shaitan a égaré cette personne et que toi tu veux son bien. Donc cela va développer une rahma envers le mukhalif. Et celui à qui Allah Azza wa Jalla aura accordé la réussite, il unira entre ces deux points-là. Il n'aura donc ni exagération, ni laxisme. Et celui qui obtient la réussite est celui à qui Allah Azza wa Jal l'aura facilité. Nombreux sont les savants qui ont traité cette question, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. On trouve également cela d'Ibn Uthaymeen et d'autres. Aussi dans le poème d'Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Un point très important dans la da'wah, ri'ayatu ahwalil mad'uwin. تخاطب كل واحد منهم بما يليق. Tu dois prendre soin d'adapter ton discours en fonction de l'interlocuteur. Tu ne parles pas à une personne de science comme tu parles à un ignorant. Tu ne parles pas à un enfant comme tu parles à un adulte. Tu ne parles pas à une personne âgée comme tu parles à un jeune homme, et ainsi de suite. Un point très important. Alaykan tuzayyina da'wataka ila at-tawhid. Tu dois embellir ton prêche. Tu dois faire aimer aux gens at-tawhid. Fata'allam ma yusamma bit-tahrid. Yani al-hath 'ala ash-shay' bitazyinihi. Wa ahsin al-'ard. Tu dois savoir donc comment présenter aux gens at-tawhid, leur faire aimer at-tawhid. فتستعمل الأساليب الطيبة ما لم تنهى عنه الشرع. Tant que la religion n'interdit pas telle chose, si c'est une cause qui peut guider la personne, alors tu pourras l'utiliser. Et parmi les meilleures choses, le Coran, tafsir al Coran. Parmi les meilleures choses avec lesquelles tu appelleras, tu inviteras les gens tawhid, c'est d'utiliser les sourates du Coran et d'expliquer aux gens l'exégèse du Coran. Ensuite, al-qasas, la siyama, qisas al-anbiya. Utilise les récits prophétiques qu'Allah Azza wa Jal nous a racontés dans le Coran. Les gens naturellement sont très attentionné lorsque tu leur racontes une histoire. Que dire alors, ce sont les histoires, les récits du Coran. Cela fait partie des meilleurs moyens pour inviter les gens au tawhid. Darbul amthal, les paraboles qui ont été citées dans le Coran ou dans la sunna. Également, at-talazum bayn al-rububiyya wal-uluhiyya ou al-asma wa-sifat wal-uluhiyya. Le fait de faire reconnaître aux gens l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie, le fait qu'il est unique dans ses actes envers ses créatures, comme étant le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant. Si tu appelles les gens à cela, fais comprendre aux gens cela, par la suite, tu leur diras que celui qui est unique à avoir ses propriétés est donc le seul à mériter entièrement l'adoration. Et dans de nombreux passages du Coran, on trouve cela. Un autre moyen, qui est plus subtil et demande plus de science, c'est de citer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. De les expliquer aux gens, de démontrer qu'Allah azza wa jal est parfait. Dans sa grandeur, dans sa générosité, dans sa bonté, dans sa beauté. Puis, de montrer que cela doit développer en nous le fait qu'on s'attache qu'à lui. Qu'on n'invoque que lui, qu'on se soumette qu'à lui, qu'on se prosterne que pour lui. Qu'il est donc la seule divinité qui mérite entièrement toute l'adoration. Donc en étudiant les noms et les attributs d'Allah, leur sens, leur définition, tu pourras inviter les gens à unifier Allah tabaraka wa ta'ala d'un culte sincère. Tu dois savoir aussi démontrer qu'autre qu'Allah ne mérite pas le culte. Comme cela a été développé dans le Coran. On nous montre dans de nombreux passages du Coran les discussions d'Ibrahim alayhi salam avec son peuple. Ibrahim alayhi salam a utilisé cela, cette manière, en leur montrant que leur divinité ne pouvait pas parler, ne pouvait pas répondre, ne voyait pas, n'entendait pas, et ainsi de suite. Donc s'ils ont des défauts, si elles ont des défauts, elles ne méritent pas d'être adorées. Tu dois savoir faire cela. الداعي أو الدعوة المثمرة لا le prêche a besoin que tu mettes des efforts, que tu dépenses dans ce sentier. الداعي لا بد أن يتصف بالكرم يبذل من وقته من قوته من نومه من ماله من صحتي دائما يفكر في أمر الدعوة يمسي ويفكر في الدعوة يصبح ويفكر في الدعوة. Le prêcheur doit être généreux. La personne qui n'est pas généreuse ne peut pas endurer dans la da'wah. Car il a besoin de dépenser de sa personne, de son temps. Il devra enlever du temps à sa famille, ses enfants, pour pouvoir l'offrir à des étrangers. Et ce n'est pas toute personne qui arrive à méditer sur ça. Il va enlever de son temps de sommeil pour des gens qui peut-être ne vont pas l'estimer, ou peut-être vont rejeter son prêche, ou peut-être mentir sur lui, l'insulter. Mais ce temps-là, il sait qu'il est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il devra endurer. Il doit être généreux financièrement. Il doit dépenser. Et de manière générale, il doit penser constamment à cette chose-là. Comment propager la religion d'Allah? Comment propager l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Par contre, celui qui veut appeler les gens à Allah, que dans ses moments libres, où il n'a rien à faire, ou une fois de temps en temps, ce prêche ne donnera pas de nombreux fruits. Et dans le cas où il y a des fruits, ils n'auront pas la même portée que le prêcheur qui donne de son temps, qui donne de sa force et fait des efforts dans ce domaine. Parmi les points les plus importants qui concernent les prêcheurs et les futurs prêcheurs, al-hirsu ala l'ijtima'. Tu dois constamment essayer de réunir les gens ala al-haq, sur la vérité. Wa nabdh al-furqa, et tout faire pour pallier aux divergences, pour repousser tout trouble dans la communauté, et particulièrement entre prêcheurs. Car lorsque les prêcheurs du tawhid divergent, ça renforce leurs détracteurs et les prêcheurs du faux. Qu'ils fassent cela volontairement, et cela est peu de par le bien qu'on pense d'eux, ou involontairement. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Ali ibn Abi Talib au Yémen, Mu'adh ibn Jabal au Yémen, ainsi que Abba Moussa al-Ash'ari, qala lahuma yassira wa la tunaffira. أو بشر ولا تنفر يسر ولا تعسر وتطاوع ولا تختلف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses prêcheurs au tawhid: annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Facilitez et ne rendez pas difficiles les choses. Soyez unis et ne vous divisez pas. Et ne vous divisez pas. Donc ceci est un point très important. الدعي إلى التوحيد يوطي نفسه على التنازل مما يتعلق بحقه لا بدين لا في الدين. Le prêcheur au tawhid, il a émancipé Allah Azza wa Jal. Et il voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala est akbar. Il est plus immense que toute chose. Et que son agrément passe avant toute chose. Donc s'il y a des divergences entre lui et des gens, il ne demande pas toujours son droit. Il est prêt à s'asseoir sur son droit si ça peut unir la parole des gens du bien. Car ce qu'il recherche et ce à quoi il aspire est bien plus immense et bien plus honorable que son simple droit. Et pour ce faire, tu dois délaisser حب النفس, yani l'estime que tu as de ta propre personne. Tu ne dois pas te voir comme yani une personne qui mérite le plus grand respect et qui a aucun défaut, aucun péché, qui a le plus de science et qui mérite qu'on lui obéisse dès qu'il parle comme s'il est un prophète. Non. Tu as des défauts. Tu as des défauts. Et à l'inverse, ihdhar min talbis iblis. Fais attention aux ruses du shaitan. Nombreux sont ceux qui ont appris un minimum et se disent, qui suis-je moi pour apprendre aux gens le tawhid? Qui suis-je moi pour conseiller les gens? Ou bien je suis rempli de défauts, ou bien les gens sont tous égarés. Et à notre époque, les gens ne cherchent plus la vérité. Il n'y a aucune nécessité à faire des efforts dans ce domaine. Ils ne m'écouteront pas. Tout cela fait partie de waswasatu shaitan. Tout cela fait partie de waswasatu shaitan. Si tu es sincère et que tu as appris, appelle à ceux que tu connais. Tu transmets ce que tu connais. Ce que tu as appris de source sûre. Et que tu maîtrises. Tu l'appliques sur toi-même. Ensuite, tu invites les gens à cette chose. Tu as appris la ilaha illallah et son sens. Tu as appris Muhammadur Rasulullah et son sens. Ben, sache qu'il n'y a pas une plus grande chose à laquelle tu peux appeler les gens. Enseigne aux gens le sens de la ilaha illallah. Enseigne aux gens le sens du shirk. Et tu auras fait une grande chose. Al-Sheikh al-Allama Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala, un grand savant qui est décédé l'été dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un des grands élèves de Sheikh Muhammad al-Aman de Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti al-Allama rahimahullah ta'ala. Il dit, il parle à son époque, il dit, au jour d'aujourd'hui, celui qui connaît l'usul al-thalatha, qui a étudié l'usul al-thalatha dans certains endroits du monde, s'il s'y rend et appelle les gens à ce qu'il y a, il aura la place de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah à son époque. Al-usul al-thalatha, al-usul al-thalatha. Celui qui connaît ce livre, qui comprend ce livre, dans certaines contrées du monde, comme certains endroits d'Afrique et autres, s'il s'y rend et invite les gens à ce qu'il y a dans ce livre, il aura la place de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, à son époque, ou de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, à son époque. Il dit que nombreux sont ceux qui ont mémorisé ce matn, mais ils ont besoin de personnes qui leur enseignent. Combien sont ceux qui assistent au cours, mais ils rentrent chez eux et ne transmettent rien? Est-ce que c'est là qu'on a, est-ce que c'est ça qu'on a appris dans le usul al-thalatha? Dès le début du livre, on a appris al-ilm, ensuite al-amal bi, ensuite al-da'watu ilayh. Donc, on ne te demande pas de faire des fatawas. Et qui sommes-nous pour faire des fatawas? Mais ce que tu as appris, de source sûre et que tu as compris, alors, il faut le transmettre. Cette introduction au chapitre Bab al-Dua ila shahadati an la ilaha illallah. Wa qawlullahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. L'auteur a cité un verset de sourate Yusuf. Dit, voici ma voix, j'appelle à Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Qul, ay Nabi Allah, ya Nabi Allah, hadhihi, ay ma ja'a bihi an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa hadhihi ad-da'wa. إذن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الله أي إلى توحيد الله وإلى إخلاص الدين له لا إلى الدنيا ولا إلى رئاسة ولا إلى حزبية بل إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة أي على علم ومعرفة المعرفة التي بها تتميز الحق من الباطل أو يتميز الحق من الباطل. Allah nous dit donc, la traduction dit, c'est-à-dire dit au messager d'Allah, voici ma voix. C'est-à-dire ce avec quoi nous est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son prêche. J'appelle les gens à la religion d'Allah. J'appelle à Allah. C'est-à-dire j'appelle à unifier Allah d'un culte sincère. J'appelle à la ilaha illallah. J'appelle à rejeter le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Et affirmer que le seul qui mérite d'être adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. J'appelle à la ilaha illallah. J'appelle à la sincérité. À unifier Allah d'un culte sincère. Je n'appelle pas à la dunya, aux choses mondaines. Je n'appelle pas au pouvoir. Je n'appelle pas au sectarisme. Mais j'appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Al-Basira, c'est la science et la connaissance qui va te permettre de distinguer entre la vérité et le faux. Et d'autres savants expliquaient cela de manière différente. هذه الآية جاءت في أواخر سورة يوسف وسورة يوسف موضوعها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفيها قواعد وختمت بقواعد مهمة. Ce verset est venu dans Sourate Yusuf. Et Sourate Yusuf a pour sujet, du début à la fin, Ad-da'watu ila Allah. Le fait d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, on a cité ce verset comprenant de grandes règles dans ce sujet, dans ce domaine. Ana wa mani taba'ani. Moi et ceux qui me suivent. Yahtamilu annahu atfun ala dhamir al-marfu' fi ad'u. فيكون المعنى أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك. Donc, pour expliquer moi et ceux qui me suivent, ou bien la suite du verset, les savants ont cité deux paroles. Certains ont dit moi et ceux qui me suivent, c'est-à-dire ma voix, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'appeler Allah avec clairvoyance. Et la voix des suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est également d'appeler à Allah avec clairvoyance. تقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ثم تقف تستأنث وتقول على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويحتمل أن يكون العطف على ضمير الفصل أنا. Donc soit on dit qu'on affirme ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sur une clairvoyance et que ses suiveurs également. On affirme que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prêche avec clairvoyance et que ses suiveurs également prêchent avec clairvoyance. Cheikh Salah al-Fawzan hafidhahullah ta'ala nous dit wa at-tahqiq an al-'atf yatadhamman al-ma'nayayn. Cheikh Salah al-Fawzan nous dit qu'en vrai la parole la plus juste est de dire que ça englobe tout cela. C'est-à-dire que les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des prédicateurs. Et les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont également sur une clairvoyance. Donc ils appellent à Allah azza wa jal avec clairvoyance. Fahum ahlul basira wa hum du'atun ila Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala Allah wa subhanallah. Ay unazzihu Allah wa qaddisuhu an yakuna lahu sharik aw ayb. سبحان الله signifie تنزيه الله عن كل سوء وعيب ونقص. Quand tu dis سبحان الله, c'est-à-dire exempté soit Allah. Allah est éloigné de tout manquement, de tout défaut et d'avoir un quelconque associé. وما أنا من المشركين. Je ne fais pas partie des polythéistes. لا في القول ولا في العقيدة ولا في العمل ولا في المخالطة. Je ne suis point ou je ne fais pas partie des associateurs, soit dans ma croyance, soit dans mon prêche, dans mes paroles et autres. إذن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد عملوا به ثم دعوا إليه وعلموا ما هو الشرك وتبرأوا منه. Donc, les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des prêcheurs au tawhid. Pour ce faire, ils ont connu le tawhid, ils l'ont mis en pratique. Puis ont invité les gens à cela. Ils se désavouent du polythéisme. وفي هذا ما ينبغي على الدعاة أن يكونوا من التميز عن أهل الباطل أو من أهل الباطل. Et de ce verset on tire que le prêcheur de la vérité doit se distinguer des gens du faux dans son prêche. Il ne doit pas se joindre dans son prêche aux gens du faux. يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس عن طريقته وأن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم ويقين وأن أتباعه يدعون كذلك على بصيرة وأنهم ينزهون الله عن الشرك والنقائص ويتبرؤون من أهل الشرك. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son messager صلى الله عليه وسلم d'informer les gens de sa voie, du chemin qu'il a emprunté, qui est le fait d'appeler les gens à « La ilaha illallah » avec science et certitude. Et de dire également que ses suiveurs ont emprunté le même chemin. Ils appellent à Allah, au tawhid, avec science. Et ils affirment à Allah, Azza wa Jal, toute la perfection qui lui convient. Ils disent qu'il est loin de toute imperfection. Aussi, ils se désavouent du polythéisme et de ses adeptes. مناسبة الآية للباب ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الدعوة إلى الله وتوحيده على بصيرة. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset sous ce chapitre? Car dans ce verset on nous informe de la voie du prophète صلى الله عليه وسلم qui n'est autre qu'inviter les gens au tawhid avec clairvoyance. ما يستفاد من هذه الآية؟ الدعوة إلى الله طريقة الرسل وأتباعهم. Parmi les choses que nous pouvons tirer de ce verset, le fait d'appeler les gens à Allah et à unifier Allah d'un culte sincère est le chemin des messagers et de leurs suiveurs. نستفيد من هذه الآية شرطي قبول العبادة. De ce verset, on tire les deux conditions pour qu'Allah accepte ton acte d'adoration. قُلْ هَذِي سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ الْإِخْلَاصِ عَلَى بَصِيرَةٍ الْمُتَابَعَةِ. De ce verset, on tire les deux conditions pour qu'Allah accepte nos actions. La sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'appelle à Allah, il y a dans cela la sincérité. Avec clairvoyance, il y a dans cela le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نستفيد من هذه الآية أن الداعية يجب عليه أن يكون على علم مما يدعو إليه. Le prêcheur a l'obligation d'avoir la connaissance de ce à quoi il appelle. On ne conditionne pas que tu sois savant pour prêcher, mais tu dois connaître ce à quoi tu invites les gens. Celui qui sait faire al-wudu, il invite les gens al-wudu et leur montre comment le prophète sallam faisait al-wudu. Celui qui sait faire al-salah, il corrige la salah des gens. Et ainsi de suite. Celui qui sait lire l'arabe, il apprend aux gens la lecture de langue arabe. Celui qui connaît tajwid, il enseigne aux gens tajwid. Celui qui a mémorisé al-fatiha, avec ses règles, il enseigne aux gens le Fatiha avec ses règles, et il corrige ceux qui ont des fautes dans le Fatiha. Fa'ida azima wa tanbihun azimun muhim lil ghaya. Une chose qui a la plus grande importance, qui nous concerne tous et qui concerne les prédicateurs. At-tanbih 'ala al-ikhlas. قال المؤلف المسائل التنبيه على الإخلاص. لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الله المستعان، نعوذ بالله من الرياء والسمعة، نسأل الله الإخلاص. L'auteur dit ici, on attire donc dans ce verset notre attention sur la sincérité. La sincérité dans le prêche, c'est une condition, c'est la base. Et il nous dit, car nombreux sont les gens qui appellent à la vérité, et au même moment, en réalité, ils appellent à eux-mêmes. Au même moment, en réalité, ils appellent à eux-mêmes. Ibn Asim, rahimahullah ta'ala, dit, « وَالَّذِي يَدْعُوا إِلَى اللَّهِ هُوَ الَّذِي لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَقُومَ دِينُ اللَّهِ » Ibn Uthaymeen dit, celui qui appelle à Allah, c'est celui qui, lorsqu'il parle, lorsqu'il fait da'wah, son seul but, c'est de se faire se lever la religion d'Allah. C'est que la religion d'Allah se lève, que les gens mettent en pratique la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِي يَدْعُوا إِلَى نَفْسِهِ وَالَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ هُوَ الْمَقْبُولُ حَقًّا كَانَ أَمْ بَاطِلًا. Puis il dit, et celui qui appelle à sa propre personne, c'est celui qui veut que sa parole soit acceptée, quelle que soit la situation, qu'il soit dans la vérité ou qu'il soit dans le faux. Sa parole s'arrête ici. Donc tu n'as pas le droit de viser les éloges des gens, ou secourir ta personne, ou ton chir, parce que c'est ton chir. Pas parce qu'il est sur la vérité, mais juste parce que c'est ton cheikh. Cheikh Rabi'a, dans une cassette que je vous recommande, ils l'ont à Mada mise en livre, s'appelle Al-Ta'assoum Al-Dhamim. Il dit, si tu penches vers la vie de ton cheikh, car c'est ton cheikh, t'es tombé dans Ta'assoum. T'es tombé dans Ta'assoum. Donc même s'il était dans la vérité, toi, c'est pas parce qu'il était dans la vérité, c'est parce que c'est ton cheikh. Tu aimes que ce soit lui qui ait raison et pas un autre. Ça, c'est du ta'assoub. Donc, il faut faire attention. Et il faut faire attention à cela. Le cœur, il penche facilement. Donc, il faut beaucoup invoquer Allah Azza wa Jal pour être préservé de cela. D'autres parmi les savants ont dit, parmi les grands signes qui montrent que la personne, en réalité, elle appelle à elle-même, c'est que lorsque sa parole n'est pas acceptée, ou lorsqu'il ordonne à des gens une chose et qu'ils n'acceptent pas, il se met énormément en colère. Parce qu'il veut être lui obéi. Et vous pouvez revenir au char du Cheikh Salah Sindé de Kitab al-Tawhid. Il donne de bons conseils à ce passage, lors de ce passage. Il dit, tu le vois s'énerver énormément. Puis lorsque le shara est contredit, lorsque les péchés sont commis, lorsque la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas respectée et ses limites transgressées, il ne se met pas en colère. Pourquoi? Car il veut que ce soit sa parole qui soit acceptée, qui soit élevée. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Par contre, إِذَا غَضِبَ لِلَّهِ لِأَنَّ الْحَقَّ غَيْرُ مَتْبُوعُ وَانْتُهِكَتْ مَحَارِمُ اللَّهِ حُقَّ لَهَا لَهُ أَنْ يَغْضَبُ وَهَذَا الْغَضَبُ لِلَّهِ وَهُوَ مَأْجُورُ. Par contre, s'il se met en colère pour Allah, car la religion d'Allah n'est pas respectée, car les péchés sont commis, alors là, il s'est mis en colère pour Allah et il est récompensé. أبشركم بأن امرأة جاءت الآن وهي راغبة في الدخول في الإسلام سبحان الله. وها نحن في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فسبحان الملك هذه القلوب. Donc je vous annonce la bonne nouvelle et nous sommes dans le chapitre de l'appel des gens à la ilaha illallah. Il y a une femme qui vient de venir à l'instant et qui veut se convertir à l'islam. Donc qu'elle aille du côté des femmes. On demande à une sœur de l'accueillir. Inch'Allah, elle prononcera l'attestation de foi. Donc la personne doit faire attention à son intention. Lorsque tu appelles à Allah Azza wa Jal, oublie pas pourquoi est-ce que tu parles aux gens. Oublie pas pourquoi est-ce que tu donnes des ordres, tu donnes des interdits. Pourquoi est-ce que tu lis? Pourquoi est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce que tu tais? Tu te tais? Pourquoi est-ce que tu supportes? Pourquoi est-ce que tu endures? Tout cela pour l'agrément d'Allah. Pour entrer au paradis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et avec cela, tu auras une grande force que personne ne peut t'accorder en dehors d'Allah. C'est supporter les difficultés. Si tu parles pour Allah, tu arrives à supporter. Mais lorsque tu parles pour toi, tu n'arriveras pas à supporter. Car nombreux sont les gens qui sont ingrats. Tu leur donnes du bien et ils sont ingrats. Donc il te faudra avoir cette qualité, al-ikhlas. Et si on n'accepte pas ta parole aujourd'hui, et que c'est une vérité, ne désespère pas. Continue ton prêche. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui l'ont combattu au début ont donné au final leur vie pour secourir l'islam. نستفيد من هذه الآية قبح الشرك. On voit ici, comment est-ce qu'on va traduire قبح dans une phrase? Que le shirk est une chose mauvaise. وجوب الابتعاد عن المشركين, l'obligation de t'éloigner des polythéistes. في رد على جماعة الصوفية المبتدعة. Il y a une réfutation dans cela à un groupe soufi, innovateur, égaré. Menhum. Qui sont-ils? Dans ce verset, il y a une réfutation à des gens qui s'apparentent à la da'wah, mais qui n'ont rien à voir avec la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était basée sur le tawhid et qui était faite avec science. Jama'atu tablir. التبليغيون ليسوا من أهل السنة التبليغيون لا يدعون إلى الله على بصيرة. Le groupe des tablirs ne sont pas sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont pour emblème le fait d'appeler les gens à Allah et de prêcher. Mais leur prêche n'est pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'appellent pas au tawhid, à la ilaha illallah, au tawhid al-uluhiyya, mais ils appellent plus à tawhid al-rububiyya. Alors que tawhid al-rububiyya, c'est une chose que tout le monde reconnaît, excepté une minorité. Alors que le prophète sallam appelait à tawhid al-uluhiyya plus particulièrement. Et tous les prophètes avant lui. Quelle est la preuve de cela? Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa jtanibu at-taghut. Donc ils ont appelé à quoi? توحيد الألوهية. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Deuxièmement, ils n'ont pas de clairvoyance dans les questions du polythéisme et du shirk. Il se peut qu'une personne ait un talisman et reste avec l'établir pendant 10 ans et il n'enlève pas son talisman. Et je vous dis ça en connaissance de cause. C'est des gens qu'on a vus. Un de leurs gros problèmes, ils prêchent pour la plupart d'entre eux avec ignorance. Il se peut que la personne se convertisse hier. Une semaine après, on lui demande de se lever et de parler devant tout le monde. Subhanallah. Il dit, je ne sais pas quoi dire. On lui dit, parle, Allah va t'aider, parle. Ça, c'est des choses qu'on a vues. C'est pas des choses qu'on nous a racontées. C'est des choses qu'on a vues. Donc on conseille nos frères tablir de faire tawbah, de se repentir et de revenir au chemin sur lequel était le prophète. On ne vous interdit pas de faire da'wah. Et on vous dit que la da'wah fait partie des meilleures adorations par lesquelles vous vous rapprochez d'Allah subhanahu. Mais il y a une façon de faire. La religion d'Allah, elle est ordonnée. Il y a des règles. Celui qui parle, il parle avec science. Celui qui parle, il parle avec science et sagesse. Celui qui parle, il doit connaître le plus important de l'important. Comment est-ce que tu sors dehors et tu vas dire aux gens qu'est-ce qui a créé les arbres? Qu'est-ce qui a créé le soleil? Qu'est-ce qui a créé le ciel? Subhanallah, même Kuffar Quraysh savait cela. Si tu leur demandes qu'est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. C'est pour cela que Cheikh Mukbil rahimahullah ta'ala a dit, et notre enseignant nous a rapporté cela, c'est un élève de Cheikh Mukbil. Wallahi, la da'wah tabligh, law kanat fi zamani Abi Jahl, lama ankaraha. Ajaib wallah. Cheikh Mukbil rahimahullah ta'ala dit, le prêche des tabligh, s'il avait été au temps de Quraysh, il l'aurait accepté. Pourquoi? Parce qu'ils appellent la tawhid rububiyya. Et Kuffar Quraysh reconnaissait tawhid rububiyya. Donc, sahihu masarakum, corrigez-vous. Wal yuballigh ash-shahid al-ghaib. Et celui qui est présent transmet l'information à celui qui est absent. Et celui qui veut plus de détails ou qui n'a pas bien compris, marhaban. Celui qui veut discuter ou débattre, qui cherche la vérité, marhaba. Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit: Jama'at al-tabligh ma 'indhom basira fi at-tawhid. Ibn Baz, samahat al-sheikh, le mufti rahimahullah ta'ala a dit: le groupe des tabligh n'ont pas de clairvoyance dans le domaine du tawhid. Certains savants ont dit: quelle critique voulez-vous plus que cela par la suite? Khalas. S'ils n'ont pas de clairvoyance dans la chose qui est la chose la plus immense, khalas. Donc on leur demande de revenir au bien, on veut leur bien, on aime pour eux le bien, ce sont nos frères en Allah, c'est pour ça qu'on les conseille ainsi. Après la salat, incha'Allah, il y aura la conversion de la femme qui est venue. On demande aux sœurs de bien l'accueillir. Wa sallillahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyatina wa tuwaffana ma'al abrar. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك